بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، donc nous continuons la lecture dans l'essai de traduction d'une épître de l'imam Ahmed bin Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala, où il était en train de répondre et de répliquer à Abdullah ibn Jabrin qui avait défendu Hassan al-Banna. Et donc la dernière fois on s'était arrêté sur un endroit où le cheikh il va commencer à lui énumérer les principaux points de critique donc adressés à Hassan al-Banna et à sa méthodologie. Donc là c'est 25, là c'est pas exhaustif, c'est pas que c'est 25, mais là le cheikh il a réuni ça comme des points donc pour nous ça c'est irréfutable, c'est des choses qu'on ne peut pas négliger. Ce sont des points vraiment graves hein, qui concernent notamment hein, la croyance et puis il y a des points qui concerne la méthodologie, al-manhaj. Mais comme vous savez, c'est deux aussi choses que sont la aqida et al-manhaj sont intimement liées, hein, et l'un influe donc sur l'autre, hein, et l'un influe sur l'autre, c'est-à-dire que si quelqu'un il a une mauvaise méthodologie, cela va se répercuter et cela va impacter, hein, sa croyance. Hein, sa croyance. Et si quelqu'un il a une bonne croyance, cela l'amène à donc cette bonne croyance, donc le mène à choisir la bonne méthodologie aussi. Hein? Donc si quelqu'un il a donc il fait l'effort donc de toujours être donc vigilant sur le plan de la croyance, cela le mène à s'écarter donc des méthodologies déviantes et cela l'amène bien sûr à toujours s'attacher et se cramponner à la meilleure méthodologie et à la méthodologie obligatoire qui est celle de As-Salaf Salih, qu'Allah les agrée et qu'Allah leur fasse miséricorde. Très bien, donc nous allons lire ces 25 points. Le Cheikh avait dit: cependant, ce qui transparaît de ta parole, c'est que tu es convaincu qu'il a des effets positifs. Hein? Donc ce qui transparaît de la parole de Ibn Jibrin, c'est que Hassan al-Banna a des points positifs. Donc là, ces points positifs, bien sûr que tout musulman, il a des points positifs, il a donc des erreurs. Que le bani adam khata, wa khayr al-khata'ina at-tawwabun. Chaque fils d'Adam, il commet des erreurs, hein. Mais le meilleur parmi les fils d'Adam, c'est celui qui se repente, hein, qui se repente. Mais ici, il ne s'agit pas de ce genre d'erreur, hein, c'est-à-dire qui parfois peuvent donc être des sara'ir, hein, des péchés mineurs, hein, ou même le musulman s'il tombe dans un péché majeur, hein. Ou s'il trouve qu'il était en train de pratiquer une chose qui est inventée, une bid'a, il va s'en repentir et ainsi de suite. Mais là, le problème, c'est que ces gens, lorsqu'ils vont parler de ces effets positifs, c'est comme si il a un apport dans l'islam. C'est comme s'il avait apporté quelque chose vraiment important aux musulmans. Or, cette méthodologie, réellement, elle a apporté beaucoup de dégâts à la communauté musulmane et elle a apporté beaucoup de crises et beaucoup de problèmes. Et bien sûr, lorsque une secte, elle est inventée et elle est innovée, qu'est-ce qu'on va attendre plus tard, hein? Si donc le début il est mauvais, hein? Si le début il est mauvais, c'est-à-dire des gens ils sont venus, ils ont délaissé la voix de As-Salaf Salih, ils ont formé un parti. Hein? Ils se sont réunis même avec des gens d'autres croyances, telles que donc des chrétiens, et ils ont constitué un comité pour former le groupe, et ils ont constitué ce groupe, hein, inventé, hein, comme ça, dès le premier jour, avec ses égarements. Qu'est-ce qu'on va attendre de ce genre de parti, hein, de ce hizb, hein? Donc la Oumma a connu beaucoup de crise à cause de ce hizb, hein, de l'Ikhwan Muslimin, et elle continue à connaître ce genre de choses, parce que ce hizb, malheureusement, il s'est propagé dans beaucoup d'endroits du monde, hein, il s'est propagé en Égypte, et puis donc dans d'autres endroits des pays arabes, et même maintenant en Europe, il se propage, hein, ils ont donc aussi donc des centres et ces choses. Donc ils continuent à propager leurs idées, hein, ce sectarisme, ils continuent à le propager. Or, donc l'islam pur et l'islam authentique, il consiste à suivre la méthodologie de As-Salaf Salih. Donc là, le cheikh Ahmed Al-Najmi, rahimahullah, il est en train d'adresser la parole à Abdallah ibn Jabrin, et il lui dit, ce qui apparaît donc de ta lettre, c'est que tu penses que cet homme, il a des effets positifs, c'est-à-dire qu'il a apporté des choses à l'islam. Donc le cheikh, il a répondu, dans ce cas, je te pose des questions auxquelles j'aimerais que tu me répondes avec franchise et sincérité. Je dis donc, et il va lui énumérer, hein, les erreurs. Est-ce que quelqu'un qui a ce genre d'erreur, on va dire, hein, il a des effets positifs, hein? Est-ce que quelqu'un qui a ce genre d'erreur que le cheikh il va citer, est-ce qu'on va continuer à dire, mais il a des effets positifs? Donc là, lorsque une personne tombe dans ce genre d'erreur, hein, il s'agit d'avertir la Ummah et de la mettre en garde contre sa méthodologie, hein, et contre ses écrits et sa pensée, et ainsi de suite. Parce que donc il apparaît que c'est une personne qui commettait des erreurs vraiment, hein, graves, hein, vraiment graves. Donc là, at-tahdhir min al-bid'ah, la mise en garde contre les gens d'innovation, ça c'est un asl chez les musulmans. Hein, c'est un asl, c'est un fondement chez les musulmans. Donc le cheikh lui a dit, donc voici les points que le cheikh Najmi lui reproche. Il va commencer à lui poser les questions. Je dis donc, il a dit, hein, rahimahullah, je dis donc, fait-il partie de ses effets positifs? Puisque donc lui, il estime qu'il a des effets positifs. Fait-il partie donc de ses effets positifs? Qu'il se tait sur le polythéisme d'adoration, hein, que des gens commettent près des temples et marabouts installés en Égypte, et qu'il ne le critique pas, ne critique pas le polythéisme d'adoration, shirk fil ibada, fi ibadatillah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le polythéisme majeur, hein, fait-il partie de ses effets positifs qu'il se tait, hein, qu'il garde le silence, hein, vis-à-vis du polythéisme d'adoration que des gens commettent près des temples et marabouts installés en Égypte, et qu'ils ne le critiquent pas, hein, comme si c'était une chose devenue licite par des versets révélés. Comme si cette chose, donc, il n'y a pas de problème. Est-ce que cela, hein, fait partie donc de ses effets positifs? Lui, il a vécu dans ce pays, hein, il doit s'écrier contre ce fléau, contre ce phénomène de al-shirk. Hein, en Égypte, il y a le shirk. Il fallait corriger cela. Il fallait écrire et faire une prédication et un prêche, hein, et un appel à Allah, pour combattre ce fléau et ce phénomène, hein, que les messagers et les prophètes ont combattu en premier lieu. Hein. La première chose que les messagers et les prophètes ont combattu, c'est le shirk. Hein, c'est le shirk. Hein, depuis. Donc le messager qui était Noé, alayhi salam, Nuh, alayhi salam, jusqu'à notre messager, hein, Mohammed, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première chose qu'ils ont combattu, c'est le shirk. Hein, c'est le shirk. Hein. Et donc là, le musulman, il doit donc bien méditer sur cela. Hein, il doit bien méditer sur cela. Lorsque quelqu'un, il va délaisser une chose que les prophètes, ils ont combattu. Et pour lui, ça ne le gêne pas. Est-ce que ça, c'est un prêcheur à Allah? Hein, subhanallah. Est-ce que cela, donc, il peut être qualifié et considéré comme étant un prêcheur à Allah? Hein? Un prêcheur à Al-Hizb? Peut-être. Il était un prédicateur pour Al-Hizb. Était un homme politicien, un politicien. C'était un opposant au régime. Mais prêcheur à Allah? Donc, non, loin de là. Et donc, il n'était pas un prêcheur à Allah. Donc là, c'était le premier point de la critique. Donc, il se tait sur le phénomène de Ash-Shirk. C'est-à-dire, il n'y a pas dans ses écrits, il n'y a pas dans sa da'wa, c'est-à-dire un combat de Ash-Shirk qui est pourtant une chose qui est très répandue en Égypte. Hein? Qabr al-Badawi, Qabr al-Hussein, Qabr Sayyida Zainab, Sinjar wa Dassouqi, auquel il se rendait lui-même à pied, hein, comme le cheikh il va lui donc rappeler. Beaucoup de marabouts de ce genre, hein, qui sont adorés en dehors d'Allah. Et ces marabouts, comme je le rappelle toujours, ces marabouts maintenant, c'est comme les statues et les idoles à l'époque de Quraysh. C'est donc ni plus ni moins. Hein, c'est comme les statues à l'époque de Quraysh. Parce que les adorations que les polythéistes arabes rendaient à ces statues, à Houthan, et à ces idoles, l'asnam, donc c'était des adorations de quoi? Hein, de Siratha, de Al-Sti'ana, de Al-Dhabh, de Al-Nadr. Hein, ces adorations, c'est les mêmes choses que l'on trouve auprès maintenant de ces marabouts, hein, et de ces temples, hein, et de ces. Donc, là où des gens prétendent que là il y a. Un qabr, hein, c'est-à-dire une tombe de quoi? D'un saint, hein, d'un allié, d'un wali. Hein. Qu'il soit allié ou non, ça le concerne. Hein, donc c'est Allah qui va juger de lui. Mais il ne s'agit donc en aucune façon de lui demander quoi que ce soit. Lui, il est mort. Hein, qu'est-ce qu'on va lui demander? Hein, qu'est-ce qu'on va demander de lui? Hein, puisque lui, il est maintenant mort. S'il pouvait quelque chose, il aurait fait quelque chose pour soi-même, hein, pour soi-même. Non, donc là c'est donc des adorations qui sont maintenant adressées et dirigées vers ces lieux et ces saints et ces marabouts et ainsi de suite. Donc là c'était le premier point. Il se taisait sur cela, c'est-à-dire qui est le polythéisme majeur, l'association majeure, hein, qui se pratique pourtant dans son pays comme dans d'autres pays. Donc, arabes, hein, tels que la Syrie, le Maroc, hein, tels que donc, beaucoup de pays arabes, il y a Ash-Shirku Billah. Et donc là, les prêcheurs à Allah, ils doivent combattre cela d'abord. Ils doivent sensibiliser les gens, ils doivent combattre cela d'abord. Comme on va voir avec un livre vraiment magnifique, hein, qui est le résumé du livre de l'érudit savant Rabi' al-Madkhali, hafidahullah, hein, le résumé de ce livre qui est Manhaj al-Anbiya' fi al-Da'wa, on va voir. Quel était Manhaj al-Anbiya fi al-Da'wa ila Allah? Et donc, même si nous, les salafis même, hein, les salafis connaissent que donc on doit combattre le shirk, etc., nous, on a besoin de ce rappel. Et nous, on a toujours besoin de ce rappel. Et moi, j'ai lu ce livre donc, de Cheikh Rabi, je l'ai lu donc plus d'une fois, et je trouve que j'ai donc besoin de relire ce genre de livre, parce que ça c'est un rappel pour nous. Hein, c'est un rappel pour nous, et c'est. Donc, c'est-à-dire, on souligne les choses et on les met hein, en exergue et on se rappelle de cela. Hein? Donc, il s'agit donc de méditer sur la méthodologie des prophètes dans l'appel à Allah. Et on va voir dans leurs histoires et dans leurs faits qu'est-ce qui se faisait, hein? Qu'est-ce qui se faisait dans leur société et comment eux, ils ont apporté le remède contre les maux hein, qui étaient dans leur société. Inch'Allah ta'ala, on va essayer de faire ce travail. Très bien, le deuxième point de la critique maintenant. Il lui dit aussi, fait-il partie de ses bons effets le sectarisme qu'il avait légué et la division qu'il avait engendrée dans la communauté? Ça, c'est une grande ligne aussi. Comment quelqu'un il va laisser la voie de As-Salaf Salih? Est-ce que ceci n'est pas un mépris et un dénigrement à l'égard de As-Salaf Salih? Que tu vas trouver une ligne qu'ils ont tracée, tu vas la délaisser et tu vas forger un parti avec une méthodologie inventée et nouvelle. Hein, un sectarisme. Tu vas délaisser la voie de As-Salaf Salih, la compréhension de As-Salaf Salih, Fahm As-Salaf Salih, les nusus. Hein, comment As-Salaf Salih, ils ont appliqué ces textes dans leur société. Hein, quelle était leur méthodologie, comment ils agissaient, hein, à l'égard des gouverneurs et à l'égard des autres communautés et à l'égard des gens. Hein, comment ils traitaient les pécheurs, comment ils faisaient la da'wa. Toi, tu délaisses tout cela et tu forges, hein, donc une manière dans la prédication. Et tu forges un parti, hein, comme ça. Hein, donc, tu forges une division. Tu crées une division dans la Ummah. Hein, tu forges une division, comme le dit Cheikh Najmi ici, hein, qui est un grand savant. Hein, il dit, est-ce qu'il fait partie de ses bons effets le sectarisme, al-hizbiyya? Hein, qu'il avait légué à la qu'il avait légué, ainsi que la division qu'il avait engendrée dans la communauté. C'est une division. Ça, c'est une division. Hein, que de se séparer des musulmans, que de se séparer de la communauté musulmane et de créer un groupe. Au point que Al-Banna, il disait que les autres méthodologies doivent venir et donc elles doivent être pesées et mesurées selon donc notre méthodologie, hein? Il disait à ses partisans, hein? C'est-à-dire que donc les autres méthodologies, hein, vous ne devez pas aller vers les autres méthodologies, mais les autres méthodologies doivent venir chez vous, hein? Et c'est vous qui devez évaluer les autres méthodologies. C'est comme si c'était lui qui est devenu donc la base et la source, hein? Et donc les autres méthodologies doivent être évoluées, évaluées, pardon, selon la méthodologie que lui il avait inventée. Donc là, c'est donc le sectarisme. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, dit le cheikh, rahimahullah, fait-il partie de ses bons effets son appel à un califat, hein, et son délaissement de l'appel à l'unicité? Hein, à laquelle les messagers avaient appelé. Hein, à laquelle les messagers avaient appelé. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle au califat, al-khilafa. Comme donc ceux à notre époque, hein, tels que Daesh et Al-Nusra et les autres, hein, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont lever ce slogan, parce que ce slogan, il trompe. Hein, il trompe les crédules, et il trompe les débutants, et il trompe les gens enthousiastes. Et ils trompent les gens, c'est-à-dire qui sont désespérés. Ils disent quand est-ce qu'on va voir donc le règne de l'islam? On a marre de cela, de cette situation de faiblesse, etc. Et dès qu'ils voient donc ce genre donc de slogan qui est levé par quelqu'un, ils vont dire tiens, voici la vérité qui apparaît, hein, le califat. Hein. Donc lui, il ben aussi, il avait utilisé ce slogan malheureusement. Il avait utilisé ce slogan pour tromper les gens. Hein? Qu'est-ce que dit le cheikh? Hein? C'est-à-dire que donc Al-Banna, il appelait à un califat et il a délaissé l'appel à l'unicité. Lui, il a délaissé l'appel à At-Tawhid, à l'unicité, et il appelle au califat. Parce que ce sont deux choses. Hein? C'est-à-dire on ne peut pas le faire ensemble. Hein? Ou bien tu appelles au monothéisme, et donc là, le fruit de ce monothéisme, c'est que donc s'il est instauré dans la société, va apparaître, hein, donc c'est-à-dire un État islamique, hein, c'est-à-dire véritable. Ou bien tu vas, hein, donc inverser, tu vas appeler au califat, hein, et tu vas donc négliger at-tawhid, et tu vas négliger at-tawhid. Et comme le cheikh Najmi, rahimahullah, donc moi j'ai lu j'ai entendu une fatwa, elle est retranscrite aussi. Il a été questionné, est-ce qu'on doit appeler à Al-Khilafa ou bien donc au monothéisme? Et est-ce que ce sont deux choses, c'est-à-dire qu'on peut donc les faire ensemble, etc. Donc lui, il a été interrogé notamment sur est-ce qu'on doit appeler à Al-Khilafa. Lui, il a dit, cette voie, cette piste, d'appeler à Al-Khilafa, c'est donc une piste qui est fausse et erronée à 100%. À 100%. D'accord? À 100%. Parce que c'est pas. Donc les prophètes, alayhi salam, ils n'ont pas appelé à cette chose. Comme on va voir dans le livre de la méthodologie de prophètes, les prophètes n'ont pas appelé à cette chose. Les prophètes ont appelé à Allah, ils ont appelé à At-Tawhid. On doit bien comprendre qu'est-ce que At-Tawhid. Et on ne doit pas nous tromper d'ennemis. Hein? On ne doit pas nous tromper d'ennemis, on doit connaître quel est notre ennemi. Hein? Quel est l'ennemi? Quel était l'ennemi des prophètes, des messagers? Quelle est la chose, c'est-à-dire que donc il se représentait comme étant un ennemi et essayer de la corriger et essayer de déployer l'effort là-dedans, hein, et essayer donc de dans ce sens et non pas se tromper d'ennemi et combattre donc les gouverneurs ou bien combattre les roussats ou bien donc takfir qu'on faisait Qutb, hein, essayer de Qutb. Donc là, il ne faut pas donc se tromper d'ennemi. Il faut connaître quel est l'ennemi. L'ennemi à l'époque de Al-Banna et jusqu'à maintenant, c'était ces Al-Badawi et donc ces Qubur qui sont adorés en dehors d'Allah, ces Awtan. Hein? Donc là, c'est la réalité à laquelle il fallait déployer tout l'effort, hein, pour la corriger. Et si elle se corrige, hein, avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala aime At-Tawhid. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, donc, comme récompense, hein, à cette société qui va donc vraiment éradiquer donc de sa terre un shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, il va donc lui donner de ses bienfaits, hein, de ses bienfaits. Et le grand bienfait, c'est, hein, donc la paix de l'islam et donc qu'elle soit régie par l'islam. Hein. Maintenant, si des gens ils sont donc toujours il y a notre tarf, donc ils ne font pas attention à shirk, et pour le shirk n'est pas un problème grave, comme donc la vision des Ikhwani. Hein? Donc là, cette société où il y a des gens comme ça, où il y a donc une majorité comme ça, ou bien cette société qui réfléchit comme ça, cette société ne mérite pas donc d'être régie par c'est-à-dire la législation. Cette société, elle est loin. Cette société doit se repentir. Hein? Ces gens doivent se repentir s'ils sont comme ça, ils ont cette vision. Que shirk, qu'il n'y a pas de problème. Quel est le problème? C'est at-tarawat, c'est-à-dire les richesses, comment on doit les diviser. C'est les libertés. On doit avoir des libertés comme dans l'Occident et ainsi de suite. C'est une piste d'ignorance. Hein? Ça, c'est une piste d'ignorance. Et donc là, il s'agit de connaître quel est l'ennemi et d'essayer donc d'œuvrer dans ce sens. Hein? Et d'œuvrer dans ce sens. Lui, donc le Cheikh Najmi, rahimahullah, hein, il montre que l'objectif de l'Benna, il s'est trompé d'objectif. Il était en train d'appeler à un califat. Et puisque ce slogan, il émerveille les jeunes surtout, et il émerveille les enthousiastes, hein, les mutahammisines, les débutants et les gens qui n'ont pas donc une vision vraiment claire dans la méthodologie des messagers, alayhim salam. Donc là, lui, il avait donc levé ce slogan et donc les gens. Des gens, donc des débutants, ils ont rallié son mouvement. Donc là, le cheikh lui dit, fait-il partie de ses bons effets, son appel à un califat et son délaissement de l'appel à l'unicité, unicité à laquelle les messagers avaient appelé. Hein? Tu délaisses ce à quoi les messagers avaient appelé et tu vas lever un autre slogan, subhanallah. Quatrième point de la critique. Fait-il partie de ses bons effets, hein, ou bien de ses effets positifs, qu'il poussait les jeunes à détester les gouverneurs et les savants, hein, jusqu'à maintenant, comme on va voir, hein, donc à détester les gouverneurs et les savants, ainsi qu'à préparer des coups d'État, hein, et à supplanter les États existants par l'établissement de son pour l'établissement de son prétendu califat. Est-ce qu'il fait partie de ces effets positifs, cette voie qu'il a tracée aux jeunes, hein? C'est-à-dire toujours ils sont en train de médire, hein, et de maudire même les gouverneurs, hein? Ils sont en train de faire le riba à l'égard des gouverneurs et des savants, et ils sont aussi en train de les maudire pas mal de fois. Ils sont donc généralement surtout parce que les Ikhwan Muslimin, des gens ils disent qu'ils sont divisés en un tayyar ben na'i, suivant le Benna et un Tayyar Qutbi, suivant Sayyid Qutb. Hein? Donc les Qutbis sont des takfiris généralement. Et un tiers benaï, c'est un tiers hizbi qui veut donc toujours aller via le Parlement. Hein, via le Parlement pour arriver au pouvoir. Ce qui compte pour eux, c'est d'arriver au pouvoir. Donc les Qutbiyyin, ils choisissent la violence pour arriver au pouvoir, c'est comme Daesh et ainsi de suite. Et les benaïens, ils choisissent les parlements, de passer par le parlement, et donc par le Hizbiyya et ainsi de suite. Et ils sont prêts à présenter les concessions, etc., hein, pour occuper les postes et pour arriver, c'est-à-dire au parlement et pour gouverner. Et lorsqu'ils gouvernent, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils gouvernent, est-ce qu'ils vont appliquer la charia, au moins, hein? Est-ce que, lorsqu'ils gouvernent, est-ce qu'ils vont, par exemple, changer la réalité des sociétés, c'est-à-dire d'une réalité où il y a ash-shirku billah à une réalité où il y a l'unicité, hein? Donc là, ils ont gouverné, par exemple, au Maroc, hein? Ils ont gouverné, maintenant, on est au deuxième mandat. Le shirk, il est toujours à sa place. Le shirk, peut-être, il est en train d'augmenter, hein? C'est-à-dire, toujours, les endroits, on n'a pas entendu qu'ils ont fait une action quelconque. Au contraire, hein, lorsque des gens, par exemple, dans d'autres pays, ils ont détruit, par exemple, un mausolée ou une chose relevant de Ash-Shirk, hein, donc là, eux, donc, on entend, comme a dit l'un d'eux, qui est Sa'd-Din al-Uthmani, hein, on entend qu'il dit, par exemple, que là, il porte atteinte à quelque chose qui fait partie du patrimoine, c'est-à-dire culturel et mondial, et ainsi de suite. Hein. C'est-à-dire que le shirk, hein, et les choses, c'est-à-dire ces marabouts, et ainsi de suite, ça fait partie de la culture et de la civilisation et du patrimoine. Non, les choses, c'est-à-dire qui relèvent de shirk, ne font pas partie du patrimoine, font partie de shirk. Hein, font partie de shirk, et donc il s'agit de changer cette réalité. Donc là, le shirk lui dit donc que dans la méthodologie de ces gens, il y a quoi? Il y a qu'ils sont en train de donc d'inciter les jeunes à haïr leur gouverneur. Or, le messager alayhi salam, il avait dit: "Khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum." Donc lui, donc le messager alayhi salam, il a dit que donc les meilleurs de vos gouverneurs, ce sont ceux, c'est-à-dire que vous aimez et qui vous aiment, pour qu'il y ait une union au niveau de la société. Hein? C'est-à-dire que vous priez pour eux, c'est-à-dire que vous leur faites des invocations et des doigts, et eux aussi ils font doigts pour leur communauté, pour leur société et pour leur raïa, hein? Pour leur sujet. Hein? Eux, lui, donc il est toujours, on trouve chez les Ikhwan qui sont en train de parler du budget, de parler de la politique, de parler des gouverneurs, toujours de montrer les défauts et de ne pas montrer les choses positives. Hein? Comme maintenant en Arabie Saoudite, par exemple. Il y a donc un effort de l'État dans beaucoup de domaines. Hein? Dans beaucoup de domaines. Que ce soit économique, ou militaire, ou que ce soit au niveau de l'enseignement, ou au niveau de la santé, ou du transport, ou de l'infrastructure. Ils n'évoquent jamais les efforts de l'État. Ils ne vont capturer que lorsqu'il y a, hein, c'est-à-dire un incident, ou bien un retard d'un train, ou une chose, ils vont en parler et dire: voici l'État, c'est mauvais, toujours, nous, on a tout, tout est mauvais dans notre État, etc. Donc toujours, ils sont en train de parler comme ça. Subhanallah, ils ne voient pas donc les choses positives, ils ne voient que lorsqu'il y a une erreur qui se produit, donc et là, c'est la vie. C'est donc, el kamalu lillah, subhanahu wa ta'ala. Et donc là, lorsqu'il y a un retard, ou donc lorsqu'il y a un retardement, ou lorsqu'il y a un incident, ou un accident, une chose, ils vont parler de cela. Ils vont accuser les gouverneurs. Et même, donc, malheureusement, ils parlent en mal des savants. Hein, des savants. Hein, des savants. Et chez les Hizbis, vous allez trouver qu'ils ont une haine pour les savants, une hostilité pour les savants, tels que Ibn Baz, et tels que Al-Uthaymin, hein, et tels que Al-Fawzan, et tels que Al-Albani, et beaucoup d'autres. Ils n'aiment pas les savants. Hein, donc, non, le musulman, il s'agit d'aimer les savants. Les savants sont les héritiers des messagers. Hein. Ce sont les héritiers des prophètes. Al-ulama warathatul anbiya. Il s'agit de les aimer, il s'agit de les vénérer, il s'agit de les respecter, il s'agit de les propager. Hein, et non pas qu'il s'agit de médire hein, ou de maudire, iyadan billah. Très bien, donc là, il lui a dit donc, que, donc, il y a cette chose chez leur hizb, hein, qui consiste à détester les gouverneurs. Hein, et les savants ainsi qu'à préparer des coups d'État. Ils ont préparé et font monter des coups d'État. Tels que le coup d'État où donc, ils ont été impliqués, hein, c'est-à-dire les coups d'État contre Wazir Dakhiliya, le ministre de l'Intérieur Naqrashi, et tels que d'autres, hein, tels que d'autres coups d'État qu'ils ont commis en Égypte. Hein, hein. Et ils ne nous désavouent pas donc, assez, ou bien ils ne nous désavouent pas. Donc les groupes terroristes, tels que le Qaïda et tels que Daesh et tels que les autres, ils ne font pas d'effort de combat de cela. Et donc au point que donc, si vous allez rencontrer les awam, la masse, c'est-à-dire qui est proche de ces gens, vous n'allez pas trouver une vision claire vis-à-vis de Daesh et vis-à-vis de ces choses. Surtout au début. Par la suite, avec les efforts des gens de la sunna, des salafis, lorsque donc, ils font donc, la propagation des paroles des gens de science, les gens connaissent que Daesh est dans un égarement. Mais eux, ils ne font pas l'effort de mettre en garde contre ceux-là, parce que ces groupes sont sortis en réalité de Al-Ikhwan. Ce sont des Ikhwani en réalité. Tels que, donc, Al-Baghdadi, celui-là était un Ikhwani, donc un Ikhwani. Comme l'avait avoué Youssef Al-Qardawi, il avait avoué que cet homme faisait partie des membres de Al-Ikhwan Muslimin à une époque. Hein? Donc beaucoup donc de Dawahiri aussi, c'est un Ikhwani, il se base sur les livres de Sayyid Qutb. Hein? Donc là, c'est des gens qui sont sortis du groupe de Al-Ikhwan. Et donc là, ils sont en train toujours de préparer les coups d'État hein, pour supplanter les États existants. Ils font tomber les États existants pour renaître, hein, la renaissance. Et donc faire tomber un État, c'est pas facile. Faire tomber un État, c'est une destruction qui va demander beaucoup d'efforts pour hein, donc, la reconstruction. Hein, pour reconstruire un pays, ça demande beaucoup d'argent. Hein, ça demande un budget énorme. Donc eux, il n'y a pas de mal de créer les troubles et donc de faire tomber les États. Hein. Donc les coups d'État pour supplanter les États existants, hein, et l'établissement de son prétendu califat. Tout cela pour avoir finalement le nom de califat. Hein, le califat, on va instaurer le califat. Donc là, c'est un slogan par lequel il trompe les jeunes. Cinquième point de la critique, il dit, le cheikh, rahimahullah, fait-il partie de ses bons effets d'inventer les défauts et les tares pour les commandants et les savants, hein, donc là, c'est lié à ce qui précède, d'inventer, parfois ils inventent, ils mentent à l'égard des gouverneurs et des savants, hein, pour quoi? Pour éloigner le public de ces gens, hein, vis-à-vis de, donc, des gouverneurs et des savants. Et d'inventer des défauts et des tares, c'est-à-dire des manquements ou des tares ou des défauts ou des erreurs, ou des fautes pour les commandants et les savants, comme le font ses suiveurs, hein, pour prétendre après que ceux-là, c'est-à-dire les savants et les gouverneurs, ne sont pas aptes de gouverner, hein, et que les savants les avaient agréés, hein, et ils sont donc des complices pour les gouverneurs. Donc ils inventent même les erreurs, et ils mentent. Ils inventent les erreurs et ils mentent, pourquoi? Pour combattre les gouverneurs et pour combattre les savants. Hein, et pour combattre les savants. Donc ils ont inventé, ils ont combattu contre cela, ils ont combattu beaucoup de savants tels que Cheikh Al-Jami, rahimahullah. Ils ont combattu Cheikh Al-Jami. Ils sont en train toujours de le combattre, hein, et comme ils sont en train de combattre l'érudit savant aussi, Cheikh Rabi' Al-Madkhali. Très bien. Le sixième point. Hein, le sixième point, fait-il partie de ses bons effets d'inciter les jeunes à descendre faire la prédication alors qu'ils sont des ignorants? Hein, chez les Ikhwan, chez les Ikhwani, le jeune qui rallie le groupe, juste après il va commencer à prêcher, comme chez les Tablir aussi. Juste après il va commencer à appeler à la Hizbiya, comme il a été appelé lui-même et invité à la Hizbiya. Il va commencer à prêcher. Hein, alors que lui-même, hein, il est un ignorant. Hein, alors que lui-même, il est un ignorant. Or, la méthodologie de As-Salaf Saleh consiste à al-ilm qabl al-qawl wal-amal. Hein, al-ilm qabl al-qawl wal-amal. C'est-à-dire qu'il s'agit d'apprendre la science et d'apprendre pendant des années et de maîtriser des choses avant de pouvoir, hein, c'est-à-dire prêcher sur un plan ou appeler à Allah, hein, avec science. Et non pas que tout le monde peut faire la da'wa. Au point qu'on trouve dans leurs prêches et dans leurs prédications qu'ils ont innové même au niveau de la méthodologie du prêche, où vous allez trouver qu'ils font du prêche par les sketchs. Hein, par tamtiliyat, par les sketchs, hein, et par même tamtil, les films, hein, tels que le film de Ar-Risala et autres. Et donc, ils font cela, ainsi que les anachides. Ils appellent à Allah par les anachides, subhanallah. L'appel à Allah ne se fait pas par l'anachide, pas par la musique. Hein. L'appel à Allah, comme avait dit Cheikh Al-Fawzan, les anachides font partie de l'arani. Les anachides font partie de l'arani. Hein, on n'appelle pas à Allah par le haram. Hein, on n'appelle pas à Allah par ces choses. On appelle à Allah par le kitab ou le sunnah. Eux, ils ne maîtrisent pas le kitab ou le sunnah. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils vont dire que chacun, il a des atouts, il a des potentialités, il a des, un style, il peut appeler à sa manière. Hein, il peut appeler à sa manière et ainsi de suite. Hein. Il appelle en fait au groupe, hein, il appelle en fait au groupe, c'est-à-dire au hizb, et non pas qu'il appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, appeler à Allah, c'est-à-dire qu'il incite les gens à appeler à Allah sans science, alors que ces gens eux-mêmes sont, c'est-à-dire, ou bien donc ont besoin d'un prêche. Ils prêchent alors que ces prêcheurs eux-mêmes, ils ont besoin de prêche. Ils ont besoin d'éducation, ils ont besoin de science. D'accord? Et surtout, cela, c'est un point qu'ils ont en commun avec le groupe Tablir. Il est remarquable chez les Tablir qu'ils appellent à Allah avec l'ignorance. Il est remarquable chez les Tablir qu'ils appellent à Allah avec l'ignorance. Que dès que quelqu'un il devient un membre de Tablir, il peut sortir aussi donc dans leur khourouj. Hein, qui n'est pas de fils habilillah, un khourouj fils habilillah, Ilyas, Mohamed Ilyas al-Kandahlaoui, le fondateur de ce groupe, c'est-à-dire, et il va prêcher. Il va prêcher à quoi? Il va commettre les erreurs, il va dire des choses sur l'islam, il va donc inventer des histoires, il va prêcher comme cela. Alors que ça, c'est faux. Il s'agit d'appeler à la méthodologie des messagers, la méthodologie du dernier messager, alayhi salam, d'appeler à la méthodologie de As-Salaf Salih. Hein, d'appeler aux fondements des gens de la sunna, les fondements dans la croyance, leur manhaj dans l'apprentissage de la aqida, leur manhaj dans l'apprentissage de al-fiqh, leur manhaj, c'est-à-dire dans al-suluk aussi, et non pas de mélanger ou donc d'appeler n'importe comment. Mais il y a une voie, on appelle selon cette voie, on n'ajoute pas de nous-mêmes. Parce que donc ces choses, c'est-à-dire le manhaj, c'est des choses qui sont tawqifiyah. Hein? Manhaj al-da'wa tawqifi. Hein? Manhaj al-da'wa tawqifi. C'est des choses, les prophètes ils ont appelé comme ça, tu vas appeler comme ça. Tu ne vas pas introduire tamtil dans la da'wa. Tu ne vas pas introduire l'anachid dans la da'wa. Tu ne vas pas introduire la caricature dans la da'wa. Chose que des gens maintenant font, malheureusement. Ils font des dessins ou des choses... aussi une manière donc d'appeler à Allah. Non, ça c'était une chose que les élèves pouvaient faire, ils ne l'ont pas fait. Hein? Donc ils n'ont pas pratiqué cela, donc c'est une innovation. Il s'agit d'appeler comme le messager avait appelé, donc Ad-da'wa ila Allah takun bil kitabi wa sunnah. Allah Azza wa Jalla dit Fadhakir bil Qur'an man yakhaf wa'id. Fadhakir bil Qur'an man yakhaf wa'id. Fadhakir bil Qur'an, rappelle par le Coran. Rappel par le Coran al-Karim. Non pas rappel par l'anachid ou par la caricature ou par tamtiliyat, hein, ou par les sketchs. Ça, c'est une manière donc par lesquelles ils gagnent les jeunes. Les jeunes ils vont dire voilà, c'est souple, c'est magnifique, etc. Mais ils sont donc dans l'égarement. Hein, ils sont dans l'égarement parce qu'il s'agit de connaître, hein, quel est l'objectif. C'est de combattre le shirk Et comment le combattre? On doit amener les preuves et on doit amener les arguments. Hein? Comme on va voir dans le livre magnifique, Inch'Allah ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Hein? Donc pour le lire, vraiment, c'est un grand plaisir de lire de ce genre de livre et de vivre avec les histoires de ces messagers et de vivre avec da'wa de As-Salaf Salih et surtout de vivre avec da'wa de notre grand messager. Vraiment un grand plaisir de vivre avec cela et donc d'assimiler cette chose et d'assimiler les différentes histoires et les faits et comment le prophète il réagissait, hein? Vis-à-vis donc de la réalité de Quraysh lorsqu'il a été envoyé à sa tribu Quraysh. Très bien. Le septième point donc de la critique maintenant, le cheikh lui dit, fait-il partie de ses bons effets, hein, d'appeler à lui donner l'allégeance, d'appeler à lui donner allégeance, le bay'a. Il demande aux gens de lui donner allégeance, hein, même en état de résidence, même fil hadar, hein, même en état de résidence, et de ne pas faire cas de l'allégeance due aux gens qui sont au pouvoir. Hein? C'est-à-dire qu'il appelle les gens à lui donner, à lui prêter lui-même allégeance, yubayi'unahu. Hein? Lui donne al-bay'a, lui donne allégeance, fi al-hadar. Pourquoi le cheikh lui dit fi al-hadar? Parce que en état de voyage, on peut choisir l'un de nous, donc on va considérer que c'est un émir de safar. Il y a ça, c'est-à-dire pour ne pas tomber dans des différends ou dans une discorde, on va dire chaque fois qu'il y a un différend, à quel moment on va partir ou une chose, on va revenir à un tel, on l'a choisi, ça y est, c'est une chose qu'on a décidée, hein, donc on va donc lui obéir, c'est-à-dire que s'il va dire dans quel hôtel on va descendre, donc dans quel endroit on va donc déjeuner ou à quel moment on va partir et ainsi de suite. C'est-à-dire fil ma'rouf toujours, sans contredire les règles de l'islam, bien sûr. Hein? Comme le prophète alayhi il a donc montré aux sahaba une fois, donc ils ont dit, on a choisi notre émir et on était parti donc dans un voyage, mais notre émir il nous a donc demandé donc d'allumer un feu et il nous a dit par la suite. Jetez-vous dedans puisque je suis votre émir et je vous ordonne. Le prophète alayhi leur a dit, s'ils avaient, hein, donc s'ils étaient rentrés dans ce feu, ils ne vont pas en sortir. Ils vont mourir sur donc une chose qui est vraiment interdite. Hein? C'est-à-dire, ils auront le feu. C'est-à-dire qu'ils auront le feu s'ils avaient donc obéi c'est-à-dire dans l'interdit. Il n'a pas Et donc, dans As-Safar aussi, lorsqu'on obéit à un émir de As-Safar, c'est fil ma'rouf. C'est juste pour une question d'organisation. Alors que lui, c'est dans le hadar. Non, pas dans As-Safar, c'est dans, c'est-à-dire, la résidence. En position de résidence, il invite les gens à lui prêter allégeance à lui, dans son hizb. Hein? Alors que le prophète, alayhi il disait, « Idha bouyi ali khalifatayni faqtulul akhir ». Lui, il est akhir, hein, al-Banna, il est akhir, en fait, puisqu'il y avait quelqu'un qui est là. Et toi, tu demandes que les gens te donnent allégeance. C'est-à-dire, le prophète, il disait, « Idha bouyi ali khalifatayni faqtulul akhir ». Si deux gouverneurs sont, c'est-à-dire, on leur a donné allégeance, tu es le dernier. Tu es le dernier. Hein? Le dernier, c'était al-Banna, en fait. Le dernier qui a demandé allégeance, c'était al-Banna. Et qui n'a pas donc de raison de demander l'allégeance. Hein? Il n'a pas de raison de demander l'allégeance. Donc là, Hadam khilaf sunna wa khilaf ma da'a ilayhi Nabi alayhi salam. Donc là, il demande allégeance, il demande aux gens de lui prêter allégeance. Regardez, c'est-à-dire, c'est comme un État au sein de l'État. Dawla fi dakhil dawla. C'est comme un État en réalité, c'est un État véritablement au sein de l'État. Ils ne vont pas reconnaître le gouverneur en place. Ils vont prêter allégeance à Al-Banna ou à un autre qui est dans le Hizb, ou Al-Murshid, comme maintenant le Murshid de l'Ikhwan. Hein? Et ils sont en train de vivre dans ce wahm. Ils sont en train de vivre dans ce songe et dans ce rêve. Leur état, c'est leur Hizb. Ils sont en train de vivre cela. Comme une jama'a au Maroc, qui est, donc, comment on les appelle, Adl al-Ihsan, ils vivent la même chose. Ils vivent dans ce rêve. Ils prêtent allégeance à leur chef. Qui était donc Abdeslam Yassine, il est mort, alhamdoulillah. Hein? Et donc, après, il y a un remplaçant. Hein? Il prête allégeance à cet homme. Et donc, le gouvernant remplace. Hein? Moi, je dis, peut-être bien qu'ils ne le reconnaissent pas. Ils sont en train de vivre dans cette daoula à eux. Ils sont en train de vivre dans cet état à eux qui est l'adl wal-ihsan, et ils ignorent donc l'état, et ils ignorent, c'est-à-dire qu'ils ont un devoir de prêter allégeance au gouverneur. Le prophète, il avait donc dit maintes ahadiths, ce qui me revient à l'esprit maintenant, par exemple, celui qui meurt sans avoir une allégeance à l'égard de son gouverneur, il meurt selon une mort qui est de la jahiliya. Parce que les gens de jahiliya ne donnaient pas l'allégeance à un gouverneur. Ils vivaient dans At-Tamarrud. Les gens de jahiliya à l'époque pré-islamique, hein, ils ne vivaient pas donc l'entendement et l'obéissance. Ils vivaient At-Tamarrud. Ils étaient en train de vivre la rébellion et la poésie. Ils étaient en train de vivre donc les turpitudes. Ils étaient en train de vivre donc cet état de rébellion et de révolte. Mais lorsque le messager il était venu, il leur a enseigné l'ordre, et il leur a enseigné l'organisation. Il leur a enseigné, c'est-à-dire que nous, on fonde un État, et on fonde un État fort, qui va, c'est-à-dire, être craint de la part de Faris wa Rum. Hein? Donc là, le messager, alayhi, il est venu avec l'ordre, hein? Avec l'organisation, avec le sam' wa ta'a. Alors que ces gens, comme maintenant à notre époque, donc ils n'entendent pas et n'obéissent pas au gouverneur en place, hein, au gouverneur au pluriel en place. Lorsqu'il y a des ikhwanis dans un état quelconque, généralement, moi je pense qu'ils ne prêtent pas allégeance au gouverneur qui est en place, mais plutôt à Al-Murshid, hein, de leur groupe, hein, qu'il soit au Maroc avec l'Adl al-Ihsan ou l'Adl al-Tanmiya, ou bien donc qu'il soit par exemple en Égypte, hein, avec le Jabhat. Jabhat al-Inqad, hein, qui est donc le fils, hein, le front islamique du salut, et qui est loin du salut, hein, le front islamique du salut. Donc c'était un front vraiment pour susciter les troubles dans cette communauté. Ou bien Hizb al-Nada en Tunisie, ou bien donc Hizb al-Islah au Yémen, ou bien au Soudan il y a donc des Hizbis, ou bien en Égypte il y a beaucoup de Hizbis, tels que l'Ikhwani, tels que Hizb al-Nour, et tels que les Ahzab similaires. Ou bien donc en Jordanie ou en Syrie, il y a ce sectarisme. Et ça, c'est une division pour la communauté. Hein? Ça, c'est une division pour la communauté. Et donc le cheikh, il insiste sur ce point de l'allégeance. Hein? L'allégeance, on la doit à notre gouverneur. Le gouverneur des musulmans dans un pays, donc il est notre gouverneur. On lui obéit, on entend et on obéit dans le marouf, dans le convenable. Il ne s'agit pas de prêter à quelqu'un d'autre. Hein? Prêter à quelqu'un d'autre, ça c'est la division. Ça c'est la division de la Ummah. Hein? Eux, ils appellent à la division. Et malheureusement, ils ont mis dans l'esprit des jeunes, hein, que eux, ils appellent à l'union de la communauté. Hein? Donc là, les slogans, c'est facile de dire les slogans. C'est facile de dire les slogans, mais il s'agit de la réalité, il s'agit du suivi. Lorsqu'il y a un texte, il s'agit de suivre. Le prophète, il a dit, si donc on prête allégeance à deux gouverneurs, tuez le dernier. Ça y est, il n'y a pas de problème. Hein? Ça y est, il n'y a plus de division. Hein? Il n'y a plus de division. Très bien. Et cela, donc, cela, à l'époque actuelle. Les gens, ils ont donné allégeance qui s'appelait Abu Ismail Hazim, qui voulait se présenter aux élections. Et après cela, donc, il y a eu Morsi. Et lorsqu'il est tombé Morsi, les gens n'ont pas voulu prêter allégeance à Sisi. Sisi, il a été chassé du pouvoir, comme il est donc, lui, il a chassé Hosni Moubarak. Hein? Donc, il a été chassé du pouvoir. Il y avait un gouverneur, toi tu l'as écarté et tu t'es installé. Quelqu'un d'autre il est venu donc de la même manière. Donc il s'agit donc de prêter allégeance à celui qui est là. Pourquoi? Pour qu'il y ait l'union. L'union des Égyptiens. Parce que l'union, ça effraie les ennemis. Ce n'est pas comme lorsqu'il y a donc une guerre civile. Et donc les koufars, ils vont trouver le prétexte facile. Ils vont dire, non, on va donc pacifier le pays. ils vont venir pour profiter donc et exploiter le pays. Et pour profiter et exploiter le pays, ils vont trouver, c'est-à-dire un alibi, dhari'a. Ils vont trouver un prétexte pour intervenir et dire non, donc puisque donc là c'est une guerre civile qui n'en finit pas, nous on va intervenir avec une coalition et avec Hilf ceci, Hilf cela, avec des alliances et on va frapper ces gens, etc. Et pour pacifier le pays, pour organiser des élections et on va les laisser sur l'intikhabat et sur la démocratie, cela. Et donc on va les laisser, c'est-à-dire avec un avenir certain. Avec la démocratie, avec l'idéologie perverse de la démocratie, ils espèrent délaisser les gens sur, c'est-à-dire le bien. Très bien, donc le cheikh, il lui reproche ce problème de l'allégeance. Lui, il demandait qu'on lui prête une allégeance, qu'on lui donne une allégeance, alors qu'il y a un gouverneur déjà en place. Très bien. Le huitième point de la critique, le cheikh lui dit, fait-il partie de ses bons effets? Son appel au rapprochement entre chiites et sunnites. At-taqrib bayna as-sunna wa ash-shi'a. Ça c'est impossible. Taqrib bayna as-sunna wa ash-shi'a, ça c'est impossible. D'accord? Hein? Et le cheikh continue, lui dit, et le sens du rapprochement est que chaque camp, c'est-à-dire chaque parti, hein, concède une partie de ses croyances afin de devenir proche, hein, c'est-à-dire donc l'un de l'autre. Donc là, c'est da'wat taqrib. Et comme disent les gens de science, ça, c'est pas un taqrib, ça, c'est un tahrib. Ça, c'est pas un rapprochement. Ça, c'est une destruction. Ça, c'est une destruction parce que vous voulez créer un rapprochement avec les chiites, alors que ces chiites, c'est-à-dire nos interlocuteurs qui sont-ils, sont des imamites. Ce sont des rafidites, hein, ce sont des nusayri, hein, qui sont donc des sectes mécréantes. Les rafidas sont kuffar, les imamis sont kuffar, les nusayri sont kuffar. Qu'est-ce qu'on va donc, quel donc compromis on peut avoir avec ces gens, hein? Quel compromis on peut avoir avec ces gens? C'est-à-dire nous, on va concéder quelle partie? On va donc oublier une partie de l'islam et eux, ils vont concéder une partie de leur égarement, hein? Pourquoi? Pour le rapprochement. Quel rapprochement? Ces gens, il s'agit qu'ils se repentissent. Ils doivent se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala pour rentrer dans la sunna du messager, alayhi salam, hein, tout simplement. Et donc, il ressemble à ce principe du rapprochement avec les chiites, la da'wah de Wahdat Adyan aussi. Le dialogue interreligieux qui est maintenant organisé lors de conférences internationales ou des congrès. Mu'tamarat ou Nadawat Dawliya ou Kada, hein, pour appeler à la paix et au dialogue international, interreligieux. Hein. Ça, ce n'est pas un appel à la paix. L'appel à la paix consiste à rentrer en islam. Hein. Parce que la paix, c'est l'islam. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah invite les gens à son paradis. Hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il a donc révélé cette religion. Il a révélé cette religion en miséricorde pour la Umma, en miséricorde pour la Umma, en miséricorde pour les hommes. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah, il a envoyé Muhammad alayhi comme une miséricorde pour les univers. Hein? Donc là, il s'agit de rentrer dans sa da'wa et dans son message. Et non pas concéder une partie de la vérité, alors que l'ennemi il va concéder une partie de sa fausse, on va comme ça, comme cela, créer donc un terrain d'entente et donc nous entendre avec des mécréants. Donc ils ont refusé, hein, donc en réalité ils ont refusé la vérité qui est l'islam et ils cherchent à l'affaiblir et à la falsifier par ce dialogue interreligieux en réalité, ou bien par ce que Al-Banna, hein, avait donc appelé taqrib bayna sunna wa shi'a. Même il a créé un bureau, même il a constitué un bureau en Égypte, hein, pour réfléchir sur ce taqrib. Il a créé un bureau, hein, maktab li dirasat had taqrib, pour réfléchir sur ce taqrib avec les chiites, hein, c'est-à-dire comme si lui il était un représentant pour l'islam, un interlocuteur qui va parler au nom de l'islam. Très bien. Le neuvième point de la critique, le cheikh lui dit, fait-il partie de ses bons effets, sa prétention, que tous les prédécesseurs étaient mufawwida, hein, de tous les attributs, de tous les sens des attributs. Hein? Il a prétendu que les salafs étaient mufawwida, les ma'ani as-sifat. Donc, et ce point, je pense qu'on l'a déjà expliqué la dernière fois. Donc là, mufawwida fi sifat, les salafs ne sont pas mufawwida, c'est-à-dire relativement au sens de as-sifat. Non, le sens, il est ma'loum, comme avait dit Malik, le sens, il est connu. Hein? Mais donc, nous sommes mufawwida sur quel plan? Hein? C'est donc dans al-kayf, tout simplement, dans al-kayf, parce que al-kayf, on ne le sait pas. Hein? Al-kayf, on ne le sait pas, donc on mufawwida ilma lillahi subhanahu wa ta'ala. Très bien, donc là c'est un grand mensonge de sa part à l'égard de As-Salaf As-Salih. Salaf Salih, qui sont Salaf Salih? C'est An-Nabi wa Ashabu. C'est le prophète et ses compagnons et puis leurs successeurs et les successeurs des successeurs. Salaf Salih, c'est les trois premiers siècles. Al-Qurun al-Khayriya, comme le prophète alayhi sallam l'a dit, Khayrun nasi qarni. Thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Les meilleurs des gens, c'est mon siècle, et puis ceux qui vont leur succéder, et puis ceux qui vont leur succéder. Hein? Donc là, c'est Al-Qurun al-Khayriya. Comment donc dire à propos de ces Al-Qurun al-Khayriya qu'ils étaient moufouidants dans les sens? Ça c'est At-Tafouid, ça c'est At-Tafouid. Avec cette vision, c'est une bid'a. At-Tafouid al-Ma'ani, c'est ce qu'on pratiquait, l'Asha'ira. Asha'ira pratique tafouid. Les ma'ani sifat, ils vont te dire, moi je ne connais pas le sens de istawa. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je fais tafouid. Je ne connais pas. Donc je le lis dans le texte, mais moi je ne crois rien à l'égard de cela. Au fawidu ilallah. Non, le salafi, le sunni, il dit non. Istawa ma'na ala warsafa'a. Allah subhanahu wa ta'ala mustawin ala arshi. Nu'minu bihada. Allah fil ulu. Allah, il est. Donc le Très-Haut, il est sur son trône, istawa ala al-arsh. Très bien. Donc là, c'était le neuvième point, et qui est cette prétention, ce iddia arid. Ça, c'est une prétention large à l'égard de Salaf, et ça, c'est un grand mensonge à l'égard de Salaf Salih. Wa awwal man yadkhul fi Salaf Salih, al-Nabi alayhi salatu wassalam. Ça, c'est un grand mensonge à l'égard du Nabi et de As-Sahaba. Donc de prétendre qu'ils étaient mufawwida fi ma'ani as-sifat, na'oudhu billahi min hadha. Donc là, le dixième point de la critique, dit le cheikh, fait-il partie de ses bons effets qu'il dit, il n'y a pas une haine religieuse entre nous et les juifs, est-ce qu'il fait partie de ses hasanats, de ses ijabiyats, de ses bons effets, de son apport à l'islam, de dire cela, ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية أو خصومة دينية. Et cela signifie que les juifs seraient nos frères, dit Cheikh Najmi. Et cela signifie que les juifs seraient nos frères. Si on n'a pas d'inimitié, on n'a pas de haine à leur égard, c'est-à-dire qu'ils sont de nos frères. Si on n'a pas de haine à l'égard de quelqu'un, c'est qu'il est notre frère. Donc là, cette parole, elle a été reprise par Al-Qardawi. Al-Qardawi, il a dit la même chose. Parce que le Qardawi, c'est un grand ikhwani. Ce grand égaré, c'est un grand ikhwani. Ce grand égaré qui est le Qardawi, Youssef Qardawi, c'est un grand ikhwani. C'est une tête de l'ikhwan. Lui aussi, il dit que le problème avec les juifs, c'est un problème sur la terre. Et la même chose a été dite par un palestinien qui était célèbre, qui est Ahmed Yassin. L'homme qui était paralytique, paralysé. Et qui donc avait une machine sur laquelle il se déplaçait. Donc l'homme, ce Ahmed Yassine, qui faisait partie de Hamas, il avait dit la même chose. Il a dit, moi je n'ai pas de haine à l'égard des juifs. Le problème que j'ai avec eux, c'est seulement ma terre. Qu'ils me rendent seulement ma terre, et donc moi je n'ai pas de problème avec eux. Nous ici au Maroc, ils ne nous ont pas pris notre terre, mais les juifs sont nos ennemis. Pour le musulman, où qu'il soit, au Maroc, ou en Europe, ou en Asie, ou en Afrique, ou en Australie, les juifs, c'est des ennemis pour l'islam et pour les musulmans, puisque les juifs sont a'da'ullah, sont des ennemis d'Allah, sont donc nos ennemis. Donc là, le cheikh, il lui questionne Il le questionne et il l'interroge. Il lui dit, est-ce qu'il fait partie de ses bons effets de dire, hein? Laysa baynana wa bayna al-yahoudi khusumatun diniya. Il n'y a pas entre nous et les juifs, hein, une haine religieuse. Hein, une haine religieuse. C'est-à-dire que lui, il ne haït pas les juifs. Il n'est pas hostile aux juifs. Hein? Na'udhu billahi min al-khuzlan. Très bien. Donc là, le 11e point, le cheikh lui dit aussi, fait-il partie de ses bons effets qu'il dit, entraidons-nous, hein, entraidons-nous dans les points de nos accords, hein, et que les uns excusent les autres sur les points de divergence. Il a théorisé cette règle. Ça, c'est une règle chez les Ikhwan. Il a mis cette règle. قاعدة لهذه القاعدة الباطلة التي تخالف الكتاب والسنة. Il a mis cette règle fausse et erronée. Hein? نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Ça, c'est une قاعدة chez eux. Et il la propage. Et il la propage parmi leurs partisans. Hein? نتعاون فيما اتفقنا فيه إذا كان صحيحا. On doit nous entraider dans le bien. Hein? Oui, c'est-à-dire s'il est correct, si on se met d'accord sur quelque chose et qu'elle est conforme à Al-Kitab wa Sunnah, oui, on s'entraide dans cela. On s'entraide dans cela. Si on se met d'accord sur quelque chose et on trouve que cela fait partie de notre religion, on s'entraide dans cela. Mais le deuxième point de Al-Qaïda, il est faux, il est totalement faux. Ya'zur ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi, c'est-à-dire quand le khilaf, il est khilaf tadad. Hein? Il est khilaf tadad, la ya'dur ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Lorsque donc il y a une opposition qui est, ou bien une divergence d'opposition, telle que la divergence que nous avons avec Al-Banna, une divergence que lui il a créée, le sectarisme. Hein? Donc nous avons avec lui une divergence d'opposition, khilaf tadad. Le prophète il nous a laissé donc sur une seule voie, une seule piste. Et lui, il vient, il fonde un groupe. Ça, c'est Khilaf Sadat. Hein? Ou bien les divergences, c'est-à-dire telles que donc, ce qu'il a prétendu de Tafouid. Ou donc les points donc, de Ash-Shirk. Hein? Et les choses de ce genre, c'est Khilaf Sadat. On ne peut pas excuser, hein? Ou bien nous excuser les uns les autres sur ces points. La ya'dur ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi fi Sadat. On s'excuse dans quoi? On s'excuse lorsqu'il y a un khilaf sa'ir. Un khilaf sa'ir. Parce que le khilaf, comme vous savez, il y a le khilaf tadal. Hein, c'est-à-dire, ce que j'ai expliqué, c'est ce qui c'est-à-dire, porte sur la croyance, par exemple, ou bien sur une chose qui ne se trouve pas en islam. Il n'y a pas un avis comme cela. Même dans le fiqh, il n'y a pas cet avis. Donc ça, c'est khilaf tadal. Hein, ça, c'est un khilaf de at-tadal. Ou bien aussi, il y a un deuxième type de al-khilaf, khilaf tanawwu'. Khilaf tanawwu', c'est lorsque on peut faire cette chose comme ça, ou on la fait comme cela. Donc ça, c'est khilaf tanawwu'. D'accord? Khilaf tanawwu'. C'est-à-dire faire les ablutions 3-3-3. Hein? C'est-à-dire laver les mains 3 fois, laver le visage 3 fois, laver donc les pieds 3 fois. Un autre, il veut dire, moi je vais faire deux fois, deux fois, deux fois. Hein? Donc là, ça, khilaf tanawwu'. Puisque le prophète, il a fait comme ça, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Ça, c'est khilaf tanawwu'. Le troisième type de al-khilaf, hein, c'est-à-dire, c'est al-khilaf al-sa'ir, al-mu'tabar. Là où il y a un avis, hein, qui est fort, mais il y a d'autres avis qui ont été émis dans le cadre des gens de la sunna. Hein? Certains, ils vont dire que voici la vie le plus fort, et d'autres, ils vont dire, mais plutôt chez nous, chez notre école, c'est voici l'argumentation, voici. Ah, c'est un khilaf, yani, yassour, ou khilaf, yani, khilaf, yani, mu'tabar. Mu'tabar. Comme donc, dans certaines questions, telles que le hukm tariq salat. Il y a une divergence valable sur la question de hukm tariq salat, sur le jugement de celui qui délaisse la prière par paresse. Hein? Tariq salat tahawunan. Celui qui délaisse la prière par paresse, Il y a une partie des gens de science qui vont dire qu'il est mécréant, qu'il a mécru par le délaissement délibéré de la salat comme cela, alors que donc il est mutakassir, alors qu'il est paresseux. Ils vont dire il est tombé dans la mécréance majeure. Et il y a d'autres qui vont dire non, ça c'est un grand péché et c'est pas une mécréance. Là, ces deux avis des gens de la sunna, c'est un khilaf mu'tabar. C'est un khilaf qui se trouve chez, dans le cadre des gens de la sunna. Ce n'est pas comme le khilaf fi al-usul. Ce n'est pas comme le khilaf dans les fondements ou les bases, hein, et auxquels donc, le Benna il dit donc, يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Si on a une divergence entre nous, que les uns excusent les autres. C'est pourquoi ils excusent même les rafidis qui insultent les sahaba, ils excusent même les chrétiens, ils peuvent rentrer dans leur hizb. Hein, les akbar ou autres, ils peuvent rentrer dans leur hizb. Ils excusent toutes les sectes. Mais malheureusement, vous allez trouver qu'ils n'excusent pas les salafis. Vous allez trouver qu'ils n'excusent pas les salafis, les gens de la sunna, parce qu'ils savent que les salafis, hein, sont peut-être parmi les seuls ou bien les rares qui les critiquent. S'il y a d'autres qui les critiquent, c'est peut-être pour donc une concurrence hizbiya, alors que les salafis les critiquent pour Allah subhanahu wa ta'ala et les critiquent en religion. Ils font de cette critique une religion. Qurba ila Allah subhanahu wa ta'ala de les critiquer. On les critique, on met en garde contre eux. En forme d'adoration et de rapprochement pour Allah subhanahu wa ta'ala, que de critiquer donc une déviance comme celle de l'Ikhwan muslimin ou les autres sexes égarés. Très bien. Donc là, le cheikh était en train de lui reprocher ce point. Fait-il partie de ces bons effets qu'il disait, entrer dans nous, dans les points de nos accords, et que les uns excusent les autres sur les points de divergence, hein? Fin de la citation de Al-Banna. Cheikh Najmi l'a dit. Ce qui annule l'ordre du convenable et l'interdiction du blâmable, hein, qui est une qualité par laquelle Allah avait décrit les croyants et pour laquelle il les avait loués, quand il dit, hein, subhanahu wa ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hein, traduction rapprochée du sens de ce verset, vous êtes la meilleure communauté, hein, qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. D'accord ? Sourate Ali Imran, la famille de Imran, le verset 110. Hein? Et il y a d'autres versets similaires. Le cheikh lui rappelle, il y a d'autres versets similaires. Donc là, cette qaïda, elle contredit Al-Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar. Elle contredit cette grande sha'ira par laquelle Allah a fait l'éloge de cette communauté. La première chose qu'Allah a citée, comme pour louer cette communauté, كنتم خير امه اخرجت للناس, hein, بماذا يا رب, hein, تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر, hein, وتؤمنون بالله. Il a même donc mis en exergue et en valeur ce point dans l'amr ma'ruf wa nahy 'anil munkar, et puis il a parlé de ce qui est général, qui est l'iman billah, alors que l'amr ma'ruf ça fait partie de l'iman billah, hein, خصه, il l'a particularisé, hein, avant de dire وتؤمنون بالله en général. Très bien, donc là, c'est donc cette qaïda, التي قاعدها البنّا, cette qaïda de البنّا, elle contredit beaucoup de versets dans le Coran al-Karim et beaucoup de hadiths dans la Sunna al-Nabawiyya. Très bien, le deuxième point de la critique, le cheikh lui dit, fait-il partie de ses bons effets le fait qu'il rassemblait au sein de son parti, hein, des gens ayant des croyances diverses, hein, et des convictions différentes, hein, dans leur hizb, vous allez trouver c'est-à-dire de toutes les sectes, hein, vous allez trouver de tous les genres et de toutes les sectes, vous allez trouver, c'est-à-dire vraiment une diversité de croyances, hein, une diversité de styles, une diversité de, hein, donc de croyances surtout, hein, et de convictions, des convictions diverses. Le cheikh lui dit, un tel est sunnite, tel autre est chiite, tel autre est soufi, hein, ou jahmi, hein, ou mu'taziliste, rationaliste, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la liste. Hein, parce qu'ils ont des listes et des registres dans leur hizb, hein, c'est-à-dire c'est comme ça qu'ils comptent les gens qui adhèrent à leur hizb. Donc ainsi jusqu'à la fin, donc un tel il est rafidite, un tel il est mu'tazilite, un tel il est aqlani, un tel il est libérali, un tel il est ceci, il est cela. Hein, donc il n'y a pas de problème, tous ces gens, ils coexistent et ils cohabitent dans le hizb. Hein, donc leur hizb n'est pas fondé sur, c'est-à-dire l'épuration, at-tasfiya, hein, ni sur l'éducation, at-tarbiya, à laquelle les gens de science ils ont appelé at-tasfiya ou at-tarbiya. Donc là, le cheikh, il continue et il prétend qu'ils sont tous des frères, hein, puisqu'ils disent, hein, pour la simple chose qu'ils disent, nulle divinité n'est digne d'adoration sauf Allah et Mohammed et le messager d'Allah. D'accord? Nous, on traduit comme ça, hein, nulle divinité n'est digne d'adoration sauf Allah, alors que pour eux, ils ne savent pas donc ce sens. Ils ne traduisent pas le la ilaha illallah avec ce sens. Ils traduisent que c'est il n'y a de Dieu que Dieu. Comme traduit par exemple Tariq Ramadan, il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Al-Badawi n'est pas une divinité. Hein? Est-ce qu'il n'existe pas Al-Badawi ou bien les autres hein, qui sont en Égypte ou ailleurs? Ce sont des divinités. Donc dire il n'y a de Dieu que Dieu, c'est donc une traduction qui est fausse, qui est complètement fausse et qui montre qu'il ne comprend pas la ilaha illallah. Très bien, donc là, pour eux, donc puisque les gens disent la ilaha illallah, ils peuvent donc rentrer dans le hizb, ils ont dit la ilaha illallah, ça y est, donc il n'y a pas de problème. Même si vous gardez votre croyance rafidite, vous insultez les compagnons, l'autre il est jahmi, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'autre il est soufi, il est en train d'adorer Allah azawajal par la danse, et il est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par les fantasmes et par les. Donc les choses imaginaires, le khurafat, il est en train de pratiquer des bid'a et ainsi de suite, il n'y a pas de problème puisqu'il a rallié le hizb, c'est ça, c'est le plus important, il va voter pour nous. Très bien. Donc et le cheikh, il a dit, puisque pour vous, ils ont dit la ilaha illallah, hein, même s'ils ont ce qui contredit cette affirmation, même s'ils ont ce qui contredit cette affirmation qui est la ilaha illallah. Très bien. Le 13e point de la critique, hein, il lui dit, fait-il partie de ses bons effets qu'il soutient les innovations dans celle de Al-Mawlid? Il était en train de soutenir l'innovation de Al-Mawlid, c'est-à-dire l'innovation, c'est-à-dire de célébrer Al-Mawlid, hein, de célébrer Al-Mawlid, qui est une innovation. Le prophète n'a pas légiféré pour sa communauté de célébrer Al-Mawlid. Hein. Lui, il soutenait cela, cette innovation de Al-Mawlid. Hein, et il donne une conférence à cette occasion. Au point qu'il donnait une conférence à cette occasion, comme on a vu précédemment dans une séance précédente, on a vu qu'il a donné une conférence hein, lors de cet événement hein, de Al-Mawlid. Donc là, il était en train donc de pratiquer Al-Bida', d'adorer Allah par Al-Bida'. Très bien, le 14e point. Le cheikh lui dit, est-ce qu'il fait partie de ses bons effets? La prétention que le messager sallallahu alayhi wa sallam assiste à leur cérémonie, yahdur, hein? Ils prétendent que le prophète, il assiste dans leur cérémonie. Hein? Est-ce qu'il fait partie donc de ses bons effets? Ça, c'est un apport pour l'islam. Hein? Ça, c'est le renouvellement de l'islam. Ça, c'est l'appel à l'islam que de prétendre que le prophète yahdur, hein, pour que vous séduisiez hein, les adeptes, vous allez leur dire que le prophète lui-même il assiste avec nous. Had al-habib ma al-ahbab qad hadara, hein, wa samaha al-kull fi ma mada wa jara, comme il a été rappelé donc lors d'une séance précédente. Donc là, et ils prétendent qu'ils assistent à leur cérémonie, la bénit et pardonne les péchés de ces gens. Hein? Il prétend que le prophète il assiste avec eux, Yubarika, hein? Il l'a béni et il pardonne les péchés, Yaghfir Zunub, Masha'Allah. Donc il donne, c'est-à-dire le caractère divin au prophète Yuallih Nabi Wasamaha al-kulla c'est-à-dire il donne, c'est-à-dire que c'est le prophète qui pardonne. Hein? Alors que le prophète, lorsque les messagers ils seront sollicités pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala لكي يقضى بين الناس pour que donc le jugement commence. Les prophètes, les grands prophètes, ils vont dire nafsi, nafsi. Et lorsque donc le messager sera interrogé, il va demander, il y a ce jeu de tahta al-arsh, il va se prosterner sous donc l'arche, hein. Et puis qu'est-ce qu'il va donc dire? Il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amru kulluhu lillah. L'affaire entièrement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, il fait toujours de la prosternation tahta al-arsh. Et comme il disait à sa fille, Nabi alayhi salam, il disait à sa fille, il disait, la orni anki min Allah shay'an, je ne possède rien pour toi auprès d'Allah. Tu dois œuvrer, hein, tu dois œuvrer. Je ne suis d'aucun secours pour toi, donc vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment lui il prétend que donc le prophète il a pardonné à al-ahbab, les gens qui ont rallié le groupe des frères musulmans? Le prophète leur a pardonné et il assiste avec eux, yahdur ma'ahum, comme c'est une croyance soufie. Les soufis ils prétendent que donc le messager il assiste, hein, avec eux lors de ces cérémonies. Wallah al-musta'an. Des calamités, hein, des calamités, wallah al-musta'an. Le 15e point de la critique, le cheikh lui dit, fait-il partie de ses bons effets son exagération dans le soufisme, ghuluhu fi soufia, son exagération dans le soufisme, son enthousiasme pour cette piste, hein, et qu'il y incite les autres, hein, et qu'il y incite les autres, c'est-à-dire qu'il appelait au soufisme. Et comme jusqu'à maintenant, son petit-fils qui est Tariq Ramadan, il prétend que donc, la réalité de l'islam, c'est le soufisme. حقيقة الإسلام هي الصوفية عيادا بالله هذا يحرف معنى الإسلام ها حقيقة الإسلام ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام la réalité de l'islam c'est ce à quoi avait appelé le message عليه الصلاة والسلام lui il dit que donc la حقيقة الإسلام c'est le sophisme hein donc comme donc j'ai fait un petit effort pour répliquer à cet homme qui a égaré beaucoup de gens hein donc vous allez pouvoir trouver un audio qui parle donc de Tariq Ramadan et le soufisme et la réalité du soufisme c'est les gens de science et je me suis basé sur une conférence de Cheikh Fawzan et une conférence de Cheikh Jami hein alors qu'il y a j'aurais aimé aussi donc profiter et donc faire profiter d'une conférence aussi d'une épître de Cheikh Najmi lorsqu'il a parlé du soufisme parce que aussi il a décrit le soufisme il a montré, il a dévoilé, il a montré qu'est-ce que le soufisme hein? Cheikh Najmi il a une épître très importante sur le soufisme rahimahullah Cheikh Najmi. Donc là, prétendre que le soufisme c'est une bonne chose, ça c'est une bid'a, le soufisme au départ c'est une bid'a. Et puis comme avait dit Cheikh Najmi dans cette épître, le soufisme il est passé de mal en pis, c'est-à-dire min sayyi'in ila aswa. Il a commencé très mal, c'est une bid'a, mais il a donc la fin maintenant du soufisme maintenant avec wahdat al-wujud et avec le hulul et avec le marghiniya. Le marghini dont on a parlé une fois, le marghini comme j'ai trouvé chez Cheikh Rabi, le marghini, il y a des citations de le marghini où il prétend que lui il est la divinité et Allah c'est lui la divinité. Al-Marghini. Ibn Arabi aussi il a prétendu cela. Az-Zindiq al-Akbar. Az-Zindiq al-Akbar, c'est un grand hérétique. Min akfar ahl al-ard, Ibn Arabi. Ibn Arabi an-Nakira hada, Ibn Arabi at-Ta'isa hada min akfar an-nas. C'est parmi les plus hérétiques. Donc là, subhanallah, hein, donc al-Banna il appelait au soufisme. Donc il incitait les gens vers le soufisme et comme donc les ikhwanis jusqu'à maintenant ils sont en train toujours d'appeler à cela, tel que ce qui se trouve chez Mohamed Al-Ghazali, l'un des leurs, et tel que ce qui se trouve maintenant chez Tariq Ramadan et d'autres, et tel que Bajrafil aussi qui est un ikhwani, un francophone, il appelle au soufisme et il appelle aux égarements, hein, c'est égaré, hein, ce grand égaré de Bajrafil et ces gens. Hein, donc ils appellent à ces choses. Voilà, donc c'était le 15e point, hein, donc l'appel au soufisme, hein, le fait d'inciter au soufisme, l'enthousiasme pour cette piste, hein, et qu'il y incite les jeunes et les autres. Très bien, le 16e point, Fait-il partie de ses bons effets qu'il résume l'islam en ses 20 fondements? L'arcane l'ishrine, l'arcane l'ishrine, ce qu'il a tracé comme plan, c'est pour lui, voici l'islam, et qu'il fait de cela une sorte de législation pour ses suiveurs. Est-ce qu'il fait partie de son apport que Ben Jibrin prétendait d'avoir fait ses l'usul l'ishrine? Ça c'est. C'est une manière de légiférer en islam. C'est de dire, voici l'islam comme moi je le comprends. L'islam, c'est le kitab wa sunnah. L'islam, c'est le kitab wa sunnah. L'islam, donc, c'est kitab wa sunnah bifahmi salaf salih. Très bien, le 17e point. Fait-il partie de ses bons effets qu'il préconise des conditions pour l'allégeance? Pour lui, l'allégeance, lorsqu'on lui prête allégeance, il faut observer, et il faut veiller à lui rendre 10 points. Donc, le cheikh lui dit, fait-il partie de ses bons effets qu'il préconise 10 conditions, 10 conditions pour l'allégeance, et qu'il exige des conditions qui ne figurent ni dans le livre, ni dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il exige dans l'allégeance des choses qui n'existent ni dans le livre, ni dans la sunna. D'accord? Des choses qui n'existent ni dans le livre ni dans le sunna, telles que le fait de lui obéir sans réfléchir. Le jeune reçoit l'ordre, il doit appliquer, il doit exécuter, il ne doit pas réfléchir. Parce qu'ils ont dit cela. Ils ont dit le sam' wa ta'a. Sam' wa ta'a, comment? Pour eux, sam' wa ta'a, fawran. Tanfid al-amr, ala al-fawr. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réfléchir, etc. Et dire est-ce que ça c'est bon ou non. Non, il faut appliquer. Pour eux, donc il faut appliquer. Or, ta'a fil ma'ruf. Ta'a fil ma'ruf. Ta'a fil ma'ruf. Ta'a lil hakim muslim, t'akun fil ma'ruf. Le muslim, yandor, hal hada l'amr ladi amara bihi l'amir. Hal huwa mina al ma'ruf amla. Amma fil ahd, fi ahd nabi alayhi sallam, fa lal nabi la ya'muru illa bil ma'ruf. Amma man ya'ti ba'dahu, fa huwa, yani, bashar. Yusib wa yukhti. Donc là, ce qui vient après le messager, il peut émettre un avis juste ou bien il peut se tromper. Là, nous, on revient à Al-Kitab al-Sunnah pour voir est-ce que c'est convenable ou non. Mais pour lui, il faut obéir. Pour le Banna, il faut obéir à Fawran. Fawran. Oui, il faut exécuter. Il faut exécuter. Et donc il faut exécuter, quitte à faire des choses qui dépassent la personne, telles que les choses qu'il ordonne maintenant aux jeunes de commettre le suicide, les opérations suicides, l'amayat intihariya, de se suicider donc même, et donc de mettre le jeune dans cette vision, etc., que donc juste après le suicide il va rentrer au paradis, wallah al-musta'an. Donc là le jeune, il est donc pour eux c'est comme une chose, il chosifie la personne, c'est-à-dire au point que la personne doit exécuter et ne pas réfléchir. Très bien. Le 18e point de la critique, le cheikh lui dit, fait-il partie de ses bons effets qu'il exige la condition de l'obéissance aveugle, yafrid al-sam' wa ta'a al-amya, l'obéissance aveugle dans cette allégeance, quand il dit, je veux dire par l'obéissance d'obtempérer à l'ordre et de l'exécuter sur le champ, dans la contrainte et dans l'aisance, dans le contentement et le mécontentement, car les étapes de cette prédication sont en nombre de 3. Il est en train donc de théoriser. Les étapes de cette da'wa, à lui, elles sont en nombre de 3. Jusqu'à ce qu'il dit, la deuxième étape est celle donc de la phase de formation, taqwin, l'i'dad. De la phase de formation. Et le mode de la prédication en cette étape est purement soufi. Est purement soufi. Le mode de formation et le mode de la prédication dans cette étape est purement soufi, sur le plan spirituel. Et il est militaire sur le plan pratique. Askari al-janib at-tatbiqi. C'est-à-dire, ça y est. Donc maintenant, c'est-à-dire le fait de commettre le coup d'État. Et donc de pratiquer le coup d'État. D'accord? Or, dit Cheikh Nejmi, fin de citation, dit Cheikh Nejmi, or l'entendement et l'obéissance est une obligation envers le gouverneur, sauf hein, qu'ils sont régis par deux conditions. Hein. Certes, entendre et obéir au gouverneur, hein, c'est une obligation, mais hein, cela est régi par deux conditions. La première est qu'il soit dans le convenable, marouf, car on n'entend ni on obéit dans l'interdit. La deuxième est qu'il soit dans la mesure de la capacité du sujet. Hein, fil-istita'a, hein, fima tuti'un, dans la capacité. Celui-ci, c'est-à-dire le sujet, hein, n'est pas forcé d'obéir dans ce qu'il ne peut pas. Dans ce qu'il ne peut pas, dans ce qui le dépasse. Hein, la illa ma ataha. Allah donc ne donne pas une charge à une personne qui dépasse la personne. Hein, ou bien qui dépasse ce que Allah lui a donné comme force et comme capacité. Quand ses compagnons lui donnaient l'allégeance, hein, c'est-à-dire le cheikh il parle ici du message alayhi salam, quand ses compagnons lui donnaient l'allégeance pour entendre et obéir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur inculquait dans ce que vous pouvez. Le prophète leur répétait, Fimastata'tum. Chaque fois que quelqu'un lui donne l'allégeance, il lui dit, Fimastata'ta. Hein? Et quand un groupe lui donne l'allégeance, il leur dit, le messager, Fimastata'tum. Ça, c'est important de souligner cela. Le musulman doit méditer sur les textes. Faites attention. Le sunni, il médite sur les textes. Il reçoit ces textes comme, c'est-à-dire, des textes qui ont une signification grandiose. Le prophète ne va pas dire cette chose, c'est-à-dire sans une finalité. Parce que vous voyez que maintenant, ça contredit ce que le messager était en train de dire. Fima sata'tum. D'accord? Très bien. Et aussi, je souligne le fait que le côté militaire. Le côté militaire. Au sein d'un État, ils ont une branche armée. L'Ikhwan Muslimin, Janah Sirri l'Ikhwan Muslimin. Ils ont une branche armée, ils ont des gens qui complotent, des gens qui conspirent, et ils ont quoi? Ils ont des gens capables de faire des coups d'État. Très bien. Le 19e point de la critique, fait-il partie de ses bons effets? Sa conférence dans le sanctuaire de Sayyid Zainab, Dame Zainab. Hein? Donc sa conférence dans ce lieu de shirk. Hein? À l'occasion de la célébration de l'émigration c'est-à-dire de l'émigration, le hijra. Hein? À l'occasion de la célébration de cela, hein? Qui est retenu pour le début du nouvel an, c'est-à-dire la hijra. Donc là, la célébration de la hijra, le musulman ne célèbre pas le hijra. Hein? Les musulmans, il n'y a pas quelque chose qui est légiféré de célébrer le hijra. Le hijra, c'est un événement, on médite hein, sur l'événement de l'hijra au cours de l'année. On médite sur ce grand événement, mais on ne le célèbre pas. On ne le célèbre pas comme font les gens de l'Bid'a. Hein, ils vont célébrer le Hijra, ils vont célébrer la naissance, hein, mais ils sont loin de méditer sur la Sunna du messager. Hein, ils sont loin de méditer sur le Hijra al-Haqiqi, qui est Hijrat al-Dunub, Hijrat al-Shirk. Hein, Hijrat al-Dunub ou Hijrat al-Shirk. C'est-à-dire, ils sont loin de méditer sur le fait de boycotter le Shirk, le fait d'appeler contre le Shirk. Hein, d'inviter les gens au monothéisme et ainsi de suite. Hein, ça, c'est la grande hijra. Hein, comme disait le message al-Muhajiru man le muhajir, véritablement, c'est celui qui va se dissocier de ce que Allah hein, il a interdit. Hein, le musulman, il s'agit de faire cette hijra d'abord. Faire cette hijra, c'est-à-dire se dissocier de ce qu'Allah il a interdit. Hijrat al-kufr, hijrat al-shirk. Le fait de se dissocier et de se séparer et de désavouer le shirk et ses gens. Les idéologies maintenant perverses, telles que la laïcité et les choses, de combattre cela autant qu'il peut, dans la mesure de sa possibilité et de ses capacités, il combat ces choses et il appelle à l'islam, il appelle à l'unicité, il appelle à tawhid et à la sunna. Hein? Il appelle à la sunna. Très bien, donc là, il lui parle de sa conférence dans ce sanctuaire de shirk. Hein? Et qui est donc le sanctuaire hein, de Sayyid Zainab. Et le cheikh il dit, et il n'avait pas dit un seul mot au sujet de l'association de Ash-Shirk, hein, lors de toute sa conférence, puisqu'il recommandait et incitait les assistants afin qu'ils purifient leur âme et leur cœur hein, de la rancœur et de la haine. Hein. Ils sont toujours en train de parler de takhlis l'anfus min al-ahqad wa al-dagha'in, c'est-à-dire donc le bon comportement. Ils sont toujours en train d'appeler à cette chose, etc. Et ils oublient ce à quoi les messagers ont été envoyés. Très bien, le 20e point de la critique, dit le cheikh, rahimahullah ta'ala, wa jazakallahu anna khayran, il a dit, fait-il partie de ces bons effets qu'il introduisait les chrétiens coptes, hein, les chrétiens, donc l'Aqbat, coptes, dans son organisation. Il les accepte, alors qu'ils sont chrétiens, il les accepte dans son organisation et qu'il fait d'eux des supporters de sa prédication. Il va donc les accepter. Hein, et donc là, c'est du donnant-donnant. Lorsque des coptes, ils vont rallier ton mouvement, c'est pour une finalité à quelconque. Toi aussi, tu vas donc leur accorder des facilités dans un endroit, par exemple, pour qu'ils appellent au christianisme, par exemple. Très bien. Le cheikh lui pose la question, existe-t-il un prêcheur dans le sentier d'Allah qui aurait agi de la sorte? C'est-à-dire qu'il va accepter dans son groupe, ou donc dans sa da'wa, des prédicateurs chrétiens. Chrétiens. Ça relève de la folie en réalité. Ça relève de la folie et donc de subhanallah. Hein? C'est-à-dire qu'il va accepter des chrétiens dans sa da'wa. Hein? Subhanallah. Très bien. Le 21e point, le cheikh lui dit, fait-il partie de ses bons effets qu'il organise une fête en l'honneur de Mohammed Uthman al-Marghini? Hein, qui est connu par la thèse de l'unité d'existence, Wahdat al-Wujud. Al-Ma'ruf bi qawlihi fi Wahdat al-Wujud. Ma'ruf bi annahu yaqul bi Wahdat al-Wujud. Wa kama ya'ni lamma intaqadahu al-Sheikh Rabi' hafidhahu Allah aydan, qal hadha ar-rajul da'a al-uluhiyya. Hein, da'a al-uluhiyya. Et là c'est attesté, donc le Sheikh il le cite, hein. Et donc, si Allah subhanahu wa ta'ala me facilite, je vais vous apporter la citation du Cheikh Rabi'a, qu'est-ce qu'il a dit à propos de cet homme. Ça, c'est un homme qui était en train d'appeler à quoi? À Wahdat al-Wujud. Comment toi, tu vas organiser une fête pour le recevoir et pour l'accueillir dans ton parti, fi Hizbik, dans le siège de Hizb al-Ikhwan, hein? Alors que cet homme, le Marghini, Mohamed Othman Marghini, c'est donc quelqu'un qui était appelé, en train de prétendre l'Uluhiyya, de prétendre qu'il est Allah. De prétendre que lui, il est donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit l'uluhiyya. Hein? Et ça, et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a recueilli l'homme là comme après Aïcha, il avait Oui, demandé. mais là, Rajul Yuttaqali Fouhché. Hada bi'sa, qu'al Nabi alayhi wa sallam, bi'sa akhul ashira. Et lorsque donc il l'a reçu, l'homme il est parti. Mais là, est-ce que donc le prophète il était en train donc en train de permettre à cet homme de faire une da'wa auprès de ses compagnons? Hein? Non, c'est pas donc un axe qui est similaire à celui donc de Ben lorsqu'il reçoit le Marghini. Lorsqu'il reçoit le Marghini, il a fait tana' sur le Marghini. Il a fait le tana' sur le Marghini. Hein? Il a fait tana'. Il a dit que l'Ikhwan ils sont madinoun bil hafawa les sa'd al Marghiniya. Il est en train de faire un grand éloge à l'égard de le Marghini. Alors que le Marghini, il prétend la divinité. Mais l'autre, que donc le prophète, alayhi salam, il a critiqué, moi je ne sais pas s'il était donc relevé qu'il était munafiq, Allahu a'lam, mais je dis, le prophète, il a mentionné qu'il yuttaqali fuhshi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas un bon comportement. Donc, yuttaqa, nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de camoufler la situation pour qu'il ne va pas sortir des mots grossiers et ainsi de suite. Donc là, c'est une situation différente par rapport à celle donc ici. Celui-là, il est corrompu, on est sûr qu'il est corrompu sur le plan de la croyance, et lui, il l'accueille dans son parti. Et lui, il l'accueille dans son parti. Hein? Et lui, il l'accueille dans son parti, et il va même faire l'éloge de cette personne et dire que les Ikhwan, Medinoun, ils sont redevables de l'Hafawa, de bien recevoir les maîtres Marghini, As-Sad al-Marghiniya. Hein? Là, c'est vraiment grave. Hein? Donc, fait-il partie de ses bons effets qu'il organisait une fête en l'honneur de Mohamed al-Marghini, hein? Qui est connu par la thèse de l'unité d'existence? Et il fit son éloge et dit à cette occasion, nous les frères, voici la citation, nous les frères, nous sommes redevables aux messieurs les Marini par la religion de l'amour, hein, bidin il mahabba, hein, la religion de l'amour pur, hein, pur, hein, ainsi que par l'accueil chaleureux, hein, c'est-à-dire on doit les accueillir. D'accord? Donc là, c'était le 21e point. C'était le 21e point. Le 22e point, le cheikh lui demande toujours, hein, fait-il partie de ses bons effets, sa marche dans un festival solennel depuis la nuit du premier Rabi', hein, d'accord? Rabi' al-Awwal, hein, jusqu'au 12e jour. Et il psalmodiait des chants contenant l'association majeure. Hein, voici les vers en question. Voici la traduction rapprochée des vers. Hein. Que la prière d'Allah soit sur la lumière qui est apparue à tout le monde, hein, et elle dépassa le soleil et la lune. Voici le bien-aimé qui rejoint les autres présents, et il pardonne à tous pour ce qui s'est passé et s'est déroulé. Hein. Sallallahu ala al-nour alladhi zahara lil'alamina fafaqa ash-shamsa wal-qamara hadha al-habib ma al-ahbabi qad hadara wa samaha al-kull fi ma mada wa jara. Hein? Donc là c'est donc il était en train de marcher vers donc quoi? Ils étaient en train d'organiser des marches, hein, les mawakib, choumou, ils vont prendre des bougies, hein, des cires, ils les allument, ils marchent dans cette atmosphère, ils prétendent que cela fait partie de l'islam, ils sont en train de prétendre que ça s'est fait, c'est le Maulid, hein, et ils vont marcher depuis le premier Rabi' al-Awwal jusqu'au 12e jour, hein, 12e, où ils prétendent que là où est né le messager alayhi salam, d'accord, alors que la date de naissance précise du messager, elle est inconnue en réalité, il y a une divergence. Des savants disent c'est le 5, des savants disent c'est le 8, des savants disent c'est le 12. Il y a un khilaf. Donc là, mas'ala ilmiya que le musulman essaye de chercher quel est l'avis le plus fort. Mais nous, on n'est pas. Allah lam yukallifna bi an nata'abbadahu bi shay'in fi hadha al-yawm bid-dasm. Hein? Allah n'a pas légiféré que nous, on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Par quelque chose le jour de la naissance du messager alayhi salam. D'accord? Donc alors que lui comme dans ses vers il était en train donc de marcher dans cette marche bid'i, il était en train de prononcer ces vers qui contiennent shirk billah, hein, l'association majeure qui est le fait de prétendre que le messager pardonne, c'est-à-dire qu'on demande pardon auprès du messager alayhi salam, et ça c'est faux et ça contredit la da'wa du messager alayhi salam. Le 23e point, fait-il partie de ses bons effets qu'il marche en compagnie de ses camarades 3 heures à pied, à l'aller comme au retour, afin de visiter les sorciers de la voie Al-Husafiyya Al-Shadhiliya. Hein? Ça c'est le vendredi. Chaque vendredi, hein? Donc le vendredi, Al-Banna et ses amis, ils faisaient 3 heures de marche pour se rendre auprès de Qubur As-Sahara Wal-Mushawidin. Hein? Et pour se rendre vers donc les sorciers de la Tariqa Shadhiliya et Al-Husafiyya. Hein? Si l'on objecte, le cheikh lui dit, si l'on objecte, si on va dire, mais attention, si l'on objecte qu'il voulait une visite sunnite, c'est-à-dire que la visite des temples, c'est-à-dire aller vers les temples pour être édifié, hein? Et pour dua lahom, ou pour se rappeler la faiblesse humaine, hein, et donc de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ziyarat al-qubur lil-it'ad, d'accord? Donc là, si on objecte cela, le cheikh dit, on dit, d'accord, hein, il n'est pas permis de préparer des montures particulièrement pour ces lieux. C'est-à-dire de se déplacer tout ce voyage, c'est-à-dire que c'est 20 km, ça c'est safar, mais c'est en fait safar, hadi, hein. Ou le Nabi alayhi salam قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. Le fait de se diriger avec cette distance, c'est pas une maqbara, c'est pas un cimetière qui se trouve à côté. Toi, tu vas visiter le cimetière donc de ta ville pour être édifié donc et se rappeler. Ça, c'est une bonne chose pour se rappeler. Mais lui, il va sortir, il va prendre une monture. c'est-à-dire il est en train de marcher, hein, il y a chaud rahl, il y a d'hab bizad, il y a ta'am, il y a d'hab il y a had le makan ba'id. Donc là, c'est une ziyara bid'iya ou shirkiya. Hein? Comme le cheikh il va rediscuter de ce point, ça, il ne sort pas, de, ou bien ça c'est shirki, il était en train de se diriger vers cette tombe pour une adoration pour ces gens, ou bien il était en train de se diriger vers cette tombe pour demander à Allah, et ça c'est une bid'a. Hein? Parce que cette distance qu'il y a de 20 km, 3 heures de marche à l'aller et 3 heures de marche au retour, ça c'est très loin. Ça, on ne fait pas cela pour Ziyara Sunniya. Hein, on ne fait pas cela pour Ziyara Sunniya, pour la visite sunnite. C'est-à-dire, on va aller vers les tombes pour l'édification. On ne fait pas cela 3 heures de marche. Non, on se rend vers le cimetière. La Sunna, elle est donc comme ça, facile. On va vers ces lieux pour se rappeler et pour donc réfléchir et méditer sur cela. Et non pas qu'on va se diriger vers des tombes comme cela qui se trouvent à 20 km, à 20 km de distance. Oui? Et si le cimetière c'est très très loin, il n'y a pas de cimetière à votre côté. Le cimetière. Pas avec cette distance. Lorsqu'il y a une distance qui est comme cela, qui est de l'ordre de As-Safar. Hein? C'est-à-dire tu ne vas plus voir donc donc ta ville et tu vas encore aller très loin. Donc là c'est loin les de la sunna, parce que la sunna c'est ziyarat al-qubur. Qubur généralement elles sont dans nos villes, hein, donc au sein même de la ville ou bien dans les périphéries, mais non pas aller très loin comme cela, 20 km qu'il faisait à pied. C'est subhanallah, Al-Banna, il faisait ses bida' et ses choses très graves. Très bien, le 24e point maintenant de la critique, le cheikh lui dit, fait-il partie de ses bons effets qu'il chantait ces deux vers contenant explicitement la croyance d'unité d'existence? Aqidat wahdat al-wujud, quels sont ces vers? Donc voici d'abord la traduction, dit, c'est Allah et délaisse l'existence et ce qu'elle contient. Hein? Si tu veux atteindre quelques perfections, car tout ce qu'il y a dans l'univers, si tu le vérifies, et n'ayant en détail et en général, hein, je cite les vers de ma mémoire, Allah aqul, Allah aqul, wa daril wujuda wa ma hawa, in kunta murtadan bulugha kamalin, fa jami'u ma fil kawn in haqaqtahu, adamun alal tafsili wal ijmali, hein. Donc là, ce sont des vers qu'on a déjà cités et qui contiennent Wahdat al-Wujud. Qui contiennent Wahdat al-Wujud. Fakullu ma fil kawni adamun. Ils disent que tout ce qu'il y a dans l'univers, ça c'est le néant. Ce que nous sommes en train de voir, c'est Allah. Ça c'est le néant. Ce que nous sommes en train de voir, c'est une chose qui n'existe pas. Ce que nous sommes en train de voir, en réalité, c'est Allah. Ça c'est la aqida des gens de la donc d'unité de croyance. Ils disent que Allah fusionne avec sa création. Et ce que nous sommes en train de voir, c'est Allah. Wahdat al-Wujud. Lui, il était en train de chanter ces choses. Hein? Lui, il est donc dans les livres de gens de sa secte. Ils ont gardé cela comme l'avare garde chèrement, donc avec beaucoup d'attention, un trésor. Ils ont gardé cela. Voici les paroles de Al-Banna. Hein? Voici comme quoi il était quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils appelaient à Allah pour eux, et ainsi de suite. Ils ont dit, voici les vers qu'ils citaient. Or, ces vers, ils contiennent shirk billah. Ces vers contiennent wahid al-wujud. Et les vers précédents, ils contiennent quoi? Ils contiennent que le messager pardonne. Hein, que ça contient shirk billah. Et donc, les gens de sa secte, ils ont gardé cela. Tel que son frère Abdurrahman al-Banna, il a gardé cela. Hein, il a gardé cela. Très bien. Le 25e, c'est-à-dire le dernier point donc, de la critique, le cheikh lui dit, fait-il partie de ses bons effets qu'il prétend que le tawassul, hein, tawassul, qui est l'appel des saints ou l'invocation en vertu de leur honneur, et qui est donc l'un des moyens les plus grands menant vers l'association, tawassul bihadi surah, c'est-à-dire tawassul qui est de ce genre, qui est tawassul, c'est le mamnou', parce que tawassul, il y a un tawassul mashrou' et un tawassul mamnou', il y a un tawassul légiféré, il y a un tawassul qui est interdit, d'accord? Lui, il prétend que ce tawassul qui est interdit, il dit que ce serait parmi les questions de détail auxquels il ne faudrait pas accorder beaucoup d'importance. C'est-à-dire, lorsqu'on disait que donc il doit faire attention à cela, il doit prêcher contre cela et interdire cela, il disait non, ça c'est pas grave. Hein? C'est pas grave. Alors que ça c'est un tawassul, comme dit le cheikh ici, hein, qui est parmi les plus grands moyens qui mènent vers le shirk. Hein? Tawassul bid-dawat, hein, c'est-à-dire le fait de se diriger vers les tombes et vers les choses et dire donc que donc vous demandez à Allah par donc cela. Hein? Ça c'est tawassul mamnou. Alors que tawassul, qu'est-ce que tawassul mashrou'? Hein? Tawassul mashrou', généralement, globalement, on fait tawassul à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs, ça c'est un. Ou bien par quoi? Par notre amal, notre action. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-'amal alladhi fa'altuhu fi yawmi kadha kana khalisan li wajhika al-karim. Allahumma fa azil 'anni hadhihi al-kurba ou hadhihi al-azma. Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala par une œuvre où donc tu estimes que tu as fait cela pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis à Allah subhanahu wa ta'ala par donc ce amal que tu as déjà fait, donc d'écarter de toi cette chose, hein, d'écarter de toi une chose, ou bien donc de te donner, hein, quelque chose puisque tu es vraiment dans un grand besoin. Ou bien tawassul bidoua et rajul salih, c'est-à-dire de faire tawassul, hein, en demandant donc à quelqu'un que tu estimes être un savant, etc., de faire doua pour toi, et tu fais tawassul bidoua et rajul salih. Hein? Tu demandes qu'il invoque pour toi, qu'il invoque pour toi. Et donc là, c'est ce que les Sahaba, ils ont fait lorsque donc il y avait la sécheresse. Ils ont dit, Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bidu'a nabiyyina. Allahumma inna natawassalu an bidu'a ammi nabiyyina, qui était Ja'far. Hein? Qui était Jaafar. Donc, et Omar, radiallahu anhu, il était parmi ces gens qui ont demandé cela. Ils ont dit, Qum ya Jaafar, fad'u Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Al-Jamil a souligné ce Qum ya Jaafar, fad'u Allah. Il a dit, voici le tawhid. Hein? Il n'a pas dit, ils ont fait tawassul par la personne. Non, par dua de la personne. Lève-toi et invoque pour nous. Il a dit, Cheikh Al-Jamil, voici le tawhid. Hein? Le musulman doit être vigilant à cela. Parce que les soufis, etc., ils vont dire, voilà, ils vont ramener le même texte. Ils vont dire, ils vous ont fait part d'être Ja'far. Ils ont dit, ils vous ont fait part telle personne. Hein? Ils ont fait part donc telle personne. Or, ils ont dit, lisez la suite. Lisez, il a dit, Qum ya Ja'far, fad'u Allah alayna. Hein? Lève-toi, hein, et demande à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, pour nous. Donc là, le cheikh, il a conclu ce point en disant, enfin, je t'interroge par Allah, ô Cheikh, est-ce que ce que j'avais énuméré ici, comme point, sont conformes ou non à la législation? Hein? Est-ce que cela est conforme ou non à la législation? Et je te demande par Allah, une deuxième fois, est-ce que l'honneur de Hassan al-Banna mérite mieux d'être défendu que l'unicité? Hein? Est-ce que tu vas défendre l'honneur de Hassan al-Banna, il ne faut pas le critiquer, etc. Et oublier Tawhid. Hein, comme des gens maintenant, ils se fanatisent pour défendre Qutb, Sayyid Qutb. Et donc, même s'il a commis des erreurs à l'égard de Moïse, même s'il a commis des erreurs à l'égard de Al-Qur'an Karim, même s'il a commis des erreurs à l'égard du Sahaba, même s'il a commis des erreurs, hein, à l'égard donc de la Ummah en la rendant mécréante, etc., ils vont oublier tout cela, ils vont défendre la personne. Hein? Il lui a dit ici, est-ce que l'honneur de l'Banna mérite mieux d'être défendu que l'unicité, que At-Tawhid? Hein? Et je te demande par Allah une troisième fois, si celui qui avait démontré le vrai aux gens et avait défendu la croyance devrait être traité de fautif et coupable, hein, puisque lui, il considère que le fautif, c'est un Cheikh Najmi, rahimahullah. Fautif et coupable, s'il mérite d'être réprimandé, blâmé, culpabilisé, et qu'on dise de lui, ne publie pas ton livre. Hein, est-ce que c'est comme cela qu'on doit traiter celui qui montre la vérité aux gens et qui critique les erreurs et les égarements? Hein? Et la même chose se dit par exemple aussi de Cheikh Rabir et des autres qui ont critiqué donc Qutb. Hein, Abdullah Douish, il a critiqué Qutb, il a relevé dans son livre au moins 181 fautes dans Al-Dhilal, Abd al-Dawish, le savant musulman, il a relevé dans, les, dans le livre de ses trois, qui est le livre Fidil al-Qur'an, il a relevé 181 fautes. Hein, c'est-à-dire 181 fautes qui est un égarement. Hein, et ainsi, par la suite, Cheikh Rabi aussi, il a critiqué les livres de Qutb, il a montré que cela, c'est parmi l'héritage qu'il s'agit, hein, donc de vraiment de le brûler et de, donc de le mettre. Donc, c'est-à-dire loin des jeunes, hein, et que donc cela, ça ne fait pas partie des choses qui vont faire avancer la Ummah, mais c'est plutôt parmi les choses qui font tomber la Ummah dans les crises, et dans les troubles, et dans les fitnes, et dans les égarements, Wallah al-Musta'an. Donc nous allons nous contenter de cela pour cette séance. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.